Un dossier qui fait parler beaucoup dans la Ligue nationale de hockey au cours des derniers jours, c'est les dossiers de Mitch Marner, de Sean Avery, également un joueur qui s'est fait traiter de raciste par l'ancien entraîneur des Flames de Calgary, Bill Peters. Quoi qu'il en soit, on en parle avec un joueur qui a connu les méthodes dures. Il a joué sur les ordres de Scottie Bowman. On parle évidemment de Yvon Lambert. Bonjour, M. Lambert. Bonjour, mon gars. Comment ça va? Ça va bien. Il fait pas chaud, disons, au lac Saint-Jean cet ainsi d'année, mais on est en hiver, fait que faut pas surprendre oui, de ça. Hein? C'est ça. Au moins, il fait beau soleil. Puis, il fait beau soleil. On est à Montréal, il fait beau soleil. En tout ça. Ah oui. Hey, monsieur Lambert, je vous appelais parce que moi, je voulais savoir ce que vous en pensez de toutes les sorties des anciens joueurs au cours des derniers jours. Écoute, est-ce que c'est intelligent? Est-ce que c'est brillant? Non, pas du tout. Je ne défends pas ça. Sauf qu'à un moment donné, il faut en revenir. Et puis, ce qui s'est passé dans le passé, c'était autre temps, autre mœurs, là. Oui, c'est sûr. Ça, il y a toujours eu des divergences. Ouais. Dans mon temps, moi, j'ai joué sur le gouvernement de Scottie Bowman toute ma carrière. Ouais. Scottie, c'était pas un gars facile, là, non plus. Mais... dans ce temps-là, il y avait beaucoup, beaucoup moins de médias, il y avait beaucoup moins de téléphones, il y avait beaucoup moins d'électronique. Tout ce que c'est qui se passait, c'était dans la chambre des joueurs. Puis ça, c'était peut-être pas de nature aussi grave que ça l'est aujourd'hui, là, parce que veut pas dans notre temps, puis dans le temps Henri Richard, je crois qu'il y avait encore beaucoup plus de respect qu'il y en a aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, le petit gars de 19 ans là, qui gagne 3-4 millions par année, des fois, là, ça sort et il ne réfléchit pas à ses affaires, qu'est-ce qu'il va dire. Mmh. Tandis que dans notre temps, premièrement, on n'avait pas les salaires qu'ils ont aujourd'hui. Non. C'était complètement différent. L'ambiance était complètement différente. Et que ce qui se passait entre le joueur et le coach, ça restait entre le joueur et le coach. Oui, c'est sûr. Mais vous n'avez vécu quand même des affaires sucrées. Ah, là. Ben là... Écoute, Mario Tremblay raconte que Scottie Lou Bowman l'a fait pleurer dans le temps. C'était pas... Ah oui. C'est sûr qu'il y a eu des moments très difficiles. Moi aussi, à début, il ne m'a pas habillé. Le premier match de saison, en 78, ça avait été très, très difficile à accepter. Mais dans ce temps-là, on parlait beaucoup moins. On acceptait ces gestes-là parce qu'on avait peur de perdre nos jobs. Aujourd'hui, le petit gars, c'est l'athlète, c'est lui qui rentre dans le bureau du coach, c'est lui qui va voir le gérant général, c'est le jeune qui demande à être échangé. Mm. Dans notre temps, il n'y a personne qui aurait été voir Bowman ou qui aurait été voir Sam Pollock puis lui dire « échange-moi ». Puis là, moi, j'ai entendu des conversations, des même dans le temps Maurice Richard, Béliveau, les gars voulaient un 500$ de plus par année, puis Sam Pollock leur disait, si tu veux ça, tu vas aller ailleurs. Ouais. Alors, puis Canadien gagnait des coupes, là. Alors, mais aujourd'hui, c'est comme dans la vie privée, là, tout change. Comme je viens de le mentionner, là, le mot respect, tu l'entends de moins en moins. C'est dans la vie privée de tous les gens. Et particulièrement, surtout dans le professionnalisme, là, où que les gars font tellement, tellement d'argent. Au baseball, t'as des gars qui font 35 millions par année. Au football, t'as des gars qui font 40 millions par année. Alors, comment que tu veux avoir du respect à 100% envers tes patrons puis envers le public. Ouais, c'est très, très, très difficile parce que la minute que ce monde-là attend une critique, c'est l'enfer. Puis là, mais c'est la même affaire au point de vue instructeur. Les instructeurs commencent à gagner un petit peu plus cher parce que t'as pas juste un ou deux cas à régler. Hein. Là, t'as 25 joueurs. T'as 25 joueurs puis t'as 25 millionnaires. Presque. Alors, c'est très, très, très difficile à essayer de garder ça. C'est là que ça te prend de très, très bons leaders dans la chambre pour t'aider. Puis là, c'est pas toutes les équipes qu'ils ont. Ouais. Mais Monsieur Lambert, est-ce que dans le cas de l'époque, là, quand vous vous mettez à penser oui. à ça, là, oui. est-ce que Bowman, dans le fond, est-ce que vous compreniez toutes les choses que Bowman vous faisait, il vous rentrait dans le mental? Oui, oui. Ben, nous autres, on a Bowman, là, il y a certains soirs, il ne savait pas comment quoi dire, quoi okay. faire, parce qu'on gagnait toujours. Okay. Les années 70, là, on a 6 coupes Stanley. Ouais. Les années 80, ça commençait à dégrader fin des années 80. Mm. Ils ont gagné une coupe en 86. Depuis 25 ans, c'est encore pire. Ouais. Parce que là, ça s'en vient de plus en plus dur. Mais c'est sûr qu'il en est arrivé des murs puis des pas murs avec Scottie Bowman. Puis il en est arrivé avec Claude Ruel. Ouais. Moi, Claude Ruel, je l'ai eu seulement une demi-saison. Okay. Mais dans ce temps-là, les critiques étaient beaucoup moins déçues parce qu'on gagnait. Ouais. On avait une fiche gagnante. Alors, Bowman essayait de trouver certains épisodes. Un soir, on arrive à l'aéroport, il est 3h du matin. Il débarque puis il demande au douanier de faire vérifier tous les sacs. Okay. Fait que là, il nous avait mis en maudit contre lui pour 2-3 jours. Mais dans ce temps-là, on oubliait, puis on a un gars comme Yvan Grenoyer, puis un gars après, ça a été Serge Chavard, son ami capitaine, Bob Guéné. Mm. Ces gars-là, quand ils parlaient, tout le monde écoutait. Aujourd'hui, le capitaine, quand il parle, je suis pas sûr que tout le monde écoute. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est avec tous les clubs, hein. Ouais. Sidney Crosby. Mais tu peux y compter, c'était la main les doigts de la main, ceux qui restent. L'année 76, vous étiez, qui ont perdu 8 fois, vous étiez-tu avec l'équipe à ce moment-là? Oui, j'étais là, oui. OK. Bowman, là, comment il s'y prenait? Il pouvait pas être trop dur avec vous autres, là. Ben non, c'est ça. Là, il cherchait comment nous motiver. Mais nous autres, cette année-là, on s'en est 16-17. Ouais. C'est en 77 qu'on a perdu 8 matchs. Oui. Dans ce temps-là, c'était Yvan Cournoyer, notre capitaine. OK. Puis la minute qu'on perdait un match, parce que là-dedans, là, quand tu commences à gagner, puis ça commence à aller bien, tu veux toujours gagner, puis ouais. tu veux toujours aller bien, parce que les pratiques étaient plus courtes. On travaillait très, très fort dans les pratiques, mais ça durait 45 minutes, 50 minutes. Mm. Alors, tu sais, c'est là que tu avais tes leaders dans la chambre. Yvan, il était tout un capitaine. Ouais. Puis là, mais tu avais des gars comme Bob Guélin, Larry Robinson qui parlait, Guy Lapointe qui faisait rire tous les gars, okay. mais qui travaillait. On détestait perdre. Ouais. Je pense qu'on est là, on a perdu 2 matchs contre 2 clubs que je pense qu'ils avaient gagné 10 matchs durant la saison. Fait que ouais. c'est tout le monde voulait nous battre. Puis on le savait, ça, parce que les gars l'avaient vécu auparavant. Cournoyer l'avait vécu, Serge Chavard l'avait vécu, Jacques Lamaille l'avait vécu. Fait que là, nous autres, on a appris de ces gars-là. Ouais, tu sais, quand eux autres sont habitués à gagner, ils savent que à tous les matchs, tout le monde veut nous battre. Là, présentement, Canadiens, ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas gagné, puis ils n'ont pas de gagnant de Coupe Stanley dans l'équipe. Fait qu'il n'y a personne qui réalise les efforts que ça prend pour gagner une coupe. Alors là, on n'a personne dans le club qui a réalisé ça puis qui le réalise. Fait que la discipline de Bowman en 76, on l'entend parler en masse, mais ça devait être dur à faire dans ce temps-là, ouais. Puis en plus, on avait 10-12 étoiles. Là. Des années sur les étages, je pense qu'il y en a 12 sur ton table de renommée. Mais Bowman, il n'y avait pas grand-chose à dire. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Ouais. Il s'en prenait à moi, à Mario Tremblay, à Rick Chartrand. Mais quelquefois, dans la chambre du Canadien, après un match, après une mauvaise période, là, il s'en prenait à Guy Lafleur devant tout le monde. Il s'en prenait à Cournoyer devant tout le monde. Il ne gênait pas pour ça. Okay. Mais il n'en parlait pas dans les journaux. Ouais. Ça restait dans la chambre. Fait que ça doit vous faire rire un peu quand tu entends des Sean Avery puis des... Ouais, ben ça, Sean Avery... Mitch Marner, c'était sauvage. Sean Avery, Mitch Marner, c'était un petit peu bizarre. Ouais. Puis Mitch Marner, ben Mitch Marner, il doit avoir un petit tempérament. Puis un petit gars qui gagne 9 millions par année, puis qui a 19 ans, 20 ans, il peut envoyer promener n'importe qui. Hein. Ouais, mais. Alors, ça, moi, là, c'est sûr, ça joue ses deux bords. C'est sûr que des instructeurs ont été très, très sévères, qui ont dit des paroles comme Peters, du racisme. C'est sûr que ça doit avoir arrivé. Mais dans mais mon c'est temps, c'est une autre affaire. Ben oui. Aujourd'hui, tu as 6 à 7 cultures dans une chambre de hockey. Dans mon temps, j'avais des anglophones et des francophones. Ouais. Fait que c'était complètement différent. Là. Ouais. Et aujourd'hui, ça doit être dur pour certains soirs pour un coach là, de punk irlandais, mettons un russe, de punk irlandais, un finlandais, de punk irlandais, un tchèque. Ça prend de la philosophie aujourd'hui et de la psychologie incroyable. C'est sûr. Mais en tout cas, c'était quelque chose. Hey, comment vous trouvez le Canadien? Ça fait dur en tabarouette, hein? Mais moi, je suis pas surpris, là. Je m'attendais. Moi, je les avais placés au 12e rang, M. Lambert, en début de saison. Oui, je les avais dit, moi, avec l'équipe. On est d'une période très, très creuse. Je suis déçu, pour être franc. Là, je suis déçu parce que je les mettais 8-9e. Ben, c'est pas fini. Mais là, ils passent une période très, très creuse et l'atmosphère doit être très, très... Ça doit être dur dans le champ, ça doit être dur pour tout le monde. C'est que ça prend pour relancer ça, M. Lambert. Moi, je l'ai vécu un peu à Buffalo, parce qu'avec Canadien, j'ai gagné. Mais à Buffalo, j'ai pas gagné. Puis c'est très dur pour les athlètes. Puis c'est là que tu réalises que des gars qui ont vraiment gagné une coupe, ils connaissent rien. Ils savent pas comme je l'ai mentionné tantôt, là, les sacrifices qu'il faut faire, puis la préparation, ils connaissent rien de ça. Là, c'est deux fois plus dur. Puis là, mon père, nos joueurs clés ont de la misère. Fait que tout arrive en même temps. C'est sûr que la blessure à Drouin aide pas. Alors, on est vraiment d'un creux, là, puis j'espère qu'on va s'en sortir à partir de demain soir. Parce qu'hier, on a très bien joué, hein, on a bien joué, parce que ça a été un très bon match de hockey, on n'a pas été chanceux, mais là, ça, c'est le stress. Gallagher compte, là, hier, ça fait 2-0, c'est un autre match complet. C'est sûr. Et il n'a pas compté, on manque des chances incroyables. Ouais. Ça, mais c'est le stress, c'est la fraction de seconde. Fait que ça va prendre une ou deux victoires d'affilée pour tout oublier ça. Puis les gars doivent avoir hâte de partir sur la route là, en plus. Dernier point, je veux vous parler de votre ex-coéquipier Guy Lafleur on a appris des mauvaises nouvelles en fin de semaine. Est-ce que vous étiez au courant des mauvaises nouvelles? Est-ce que vous saviez? Oui, on savait un peu. Moi, je le savais un peu. OK. Parce que moi, je suis très proche de Régent Houle et de l'organisation. Puis, je savais que Guy, ça allait pas bien. Parce que moi, quand j'ai su que Guy avait eu ses pontages, j'étais en Grèce. J'étais avec un groupe d'amateurs de voix de hockey. Fait que ça m'a touché énormément. Puis là, en arrivant à Montréal, mais là, j'ai eu de plus en plus de nouvelles. Et puis, là, on est quelques personnes qui savaient qu'il y avait une tache au poumon. On pensait pas que c'était si sérieux que ça. Mais là, j'ai parlé justement avec Régent hier. Là. Il trouve ça très difficile. Il est fatigué. Il est trop. Ça lui prend beaucoup de repos. Puis son garçon doit pas l'aider non plus. Là. Ça doit ben pas... là, il y a eu des Guy depuis son après-carrière. Là, il y a eu des problèmes un peu partout. Mm. 30 ans qu'il joue pas au hockey, puis ça fait 30 ans que c'est pas facile pour lui, tu sais. Il y a eu des problèmes un après l'autre, son fils, et puis là, sa santé, il va le savoir un peu lui-même, c'est sûr. Mais lui, c'est un combattant. Là, je pense que les Canadiens vont envoyer un communiqué, là, pour essayer de de pas de lire avertir les journalistes, le public, de pas essayer d'être dérangé trop tôt parce qu'il y a besoin de repos. Ils l'ont fait hier. Il y a besoin de repos, puis il y a besoin de recueillement, puis de prendre son reflet. Là, c'est le temps qu'il va guérir, puis en espérant qu'il soit de l'air positif. Ben, ils vont très intéressants, M. Lambert, et on va se reparler au courant de l'heure. On va se reparler. Joyeuse fête! Pareillement, mon âme. Puis on s'en reparle de temps à autre. Le monde du lac, là, puis du Saguenay, là, tout le monde. Effectivement. Joyeuse fête à tout le monde. L'ex-joueur du Canadien des Sabres de Buffalo, Yvon Lambert.